bien avant le coucher du soleil, les oiseaux répandent la nouvelle à travers la forêt. Tous les êtres qu'elle abrite sont heureux d'apprendre son retour. Pavla, par curiosité, sans perdre une minute, s'est mis en marche en direction de la cabane. Après une nuit à ronfler, la sorcière, bien reposée, entreprend le grand ménage. Elle lance un sort en direction des murs sales et du plancher empoussiéré. Le ménage jaillissa, la poussière s'en va, puis surtout, elle reviendra pas. Pouf! Un gros nuage de poussière tourbillonne. Les objets se soulèvent puis entament une valse étrange. Le seau, les brosses, les guenilles entrent dans la danse pour astiquer le vieux plancher, frotter les murs et dépoussiérer les meubles. Pour finir, la sorcière lance un signal de sa baguette. Le tourbillon disparaît par la cheminée et les objets retrouvent leur place. Finalement, Baba se permet une gâterie. Elle dirige sa baguette en direction des murs de la cabane, leur lance un sort. Plaisir sucré pour me gâter, en pâte d'amande, soyez changé. Et clac! Les murs se changent en pâte d'amande. Au moment même où la sorcière sort sur la galerie pour partir le feu en dessous du chaudron, la poule arrive à destination. Baba Yaga est amusée et ravie de voir Pavla entrer dans la cabane par la porte entrouverte, pas gênée, comme si de rien n'était. Elle se dirige vers le lit de la sorcière. Ça donne un petit élan pour monter sur le lit. Tapote avec ses pattes pour faire un nid. Puis elle pond un œuf. C'est un beau cadeau pour la sorcière. Baba Yaga perd pas son temps. Elle se remet au travail pour refaire ses potions. Le jour, elle arpente la forêt pour cueillir des herbes magiques. Et la nuit, elle se transforme en déesse. Elle fait sa tournée pour veiller sur les récoltes et sur les animaux. Un matin, ça sent quelque chose. Le vent transporte une odeur familière. Instinctivement, les mains froides de la sorcière s'abordent. Ben oui, c'est deux filles qui viennent faire un tour. Et comme de fait, vers l'heure du dîner, on frappe à la porte. La vieille se retrouve nez à nez avec ses filles, tout sourire. Elle apporte encore un petit cadeau. Coucou, maman! On vient s'excuser. On n'a pas réalisé combien tu tiens à ta maison et surtout à ta liberté. Baba Yaga n'est pas dupe. Elle reste silencieuse. Parole de sorcière, jamais personne n'a osé lui faire ce que ses filles lui ont fait. Si elle l'avait connue en ogresse, elle n'aurait pas pris le risque de se présenter à la cabane. Puis c'est pas avec joie qu'elle les a fait entrer, là. Comme si de rien n'était, les enfants ils donnent des nouvelles du village, puis ils oublient de dire qu'ils n'ont plus rien à manger. Baba s'en doute. Il y a une bonne soupe qui mijote sur le feu, et elle voit bien que les deux filles jettent un regard furtif vers le chaudron. Elle les invite à rester pour en manger avec elle. Ben, lendemain, les filles reviennent. Puis le surlendemain, puis les jours qui suivent. La sorcière baisse sa garde. Elle considère le pardon, mais pas l'amnésie. Un jour, la plus jeune des filles réalise que, depuis le début, il y a une odeur dans la maison. C'est une odeur de sucré. D'où ça peut bien venir? C'est certainement pas sa mère. Des murs? Oui, c'est quoi? Et sans que la vieille s'en rende compte, juste un petit peu, du bout de son ongle, elle gratte le mur à côté d'elle. Goûte. La pâte d'amande. Aussitôt sortie de la maison, elle en parle à sa sœur. Et à chaque visite, quand la mère avait le dos tourné, les filles gourmandes, par petites couches, grattaient et mangeaient les murs de la maison. Un matin, la sorcière se fait réveiller par un rayon de soleil. Du soleil? Voyons, j'ai pas de fenêtre. Elle s'assoit, fait le tour de la pièce du regard et constate que partout où ses yeux se posent, les murs laissent passer rayons du soleil, comme si des souris avaient grignoté les murs. Tout à coup, l'évidence lui saute aux yeux. Les deux filles se sont moquées d'elle. Elles ont encore abusé de sa confiance. Elle est en colère. Une colère sourde, restée coincée depuis longtemps au fond de ses tripes. Une colère qui se transforme en rage, qui occupe toute la place dans son ventre de mère. Elle devient puissante. Elle longe ses côtes et finit par aboutir en gros mouton coincé dans sa gorge. Baba Yaga sent ses dents allongées et n'est plus capable de fermer sa bouche. Ses dents dans le vent sont comme des gros poignards trop longs. Il se passe quelque chose. La sorcière se transforme en ogresse. La rage continue de monter, jusqu'à exploser dans sa bouche. Ouah! On peut l'entendre jusqu'au village. Incapable de prononcer une seule parole, elle sort pour se diriger vers son gros chaudron derrière la cabane. Elle allume le feu et met de l'eau à bouillir pour préparer son nectar. Un nectar de ressentiment. Pendant ce temps, elle s'éloigne profondément dans l'obscurité de la forêt pour cueillir des mauvaises herbes. Au retour, dans l'eau du chaudron qui commence à bouillir, elle jette des plantes vénéneuses et des fleurs aux couleurs étranges. Ça sent pas bon. Elle en profite pour y déverser sa déception, sa peine, son impuissance, sa colère, sa rage. Tout y passe. Sa potion se transforme et s'épaissit. L'ogresse la brasse avec sa baguette magique tout en récitant des incantations. La couleur change. Elle devient rouge, mauve, puis verte. Elle menace de déborder. Fait des grosses bulles qui éclatent. Sa potion est prête. Sans lui laisser le temps de refroidir, l'ogresse en prend une grosse louche qu'elle boit doucement avec délectation. Elle s'en nourrit pendant des jours. Mais avec tout ça, son apparence s'améliore pas. Au contraire, sa peau devient verte. Puis, chose étrange, ses yeux tombent à l'intérieur d'elle-même, comme s'il était parti voir ce qui se passe dans ses émotions. Deux gros trous noirs les remplacent. Puis, comme sa bouche n'arrive pas à se fermer, ben il y a un filet de bave qui coule le long du menton. Pavla reste cachée en dessous du lit. Elle ose à peine sortir sa tête pour voir ce qui se passe. L'ogresse arpente la maison de long en large, grognant toute la journée. Elle sort juste pour boire son poison, puis elle rentre, remplie de ressentiment.